Psaume 29. Psaume de David. Fils des princes, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel dans son sanctuaire magnifique. La voix de l'Éternel est sur les eaux, le Dieu fort de gloire fait tonner, l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est forte, la voix de l'Éternel est magnifique. La voix de l'Éternel brise les cèdres, même l'Éternel brise les cèdres du Liban, et les fait sauter comme un veau, il fait sauter le Liban et Sirion, comme un fan de licorne. La voix de l'Éternel jette des éclats de flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert, l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait faonner les biches, et découvre les forêts, mais quant à son palais, chacun l'y glorifie. L'Éternel a présidé sur le déluge, et l'Éternel présidera comme roi éternellement. L'Éternel donnera de la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple en paix.